Le produit des distances des foyers d'une ellipse à une tangente variable est une constante égale à B au carré où B désigne le deux petits axes.